إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui, alhamdoulillah, c'est le cours numéro 9 dans l'explication du livre Zajrul Mutahawin bi darari qa'idatil ma'zirati wat ta'awun, écrit par le Cheikh Hamad ibn Ibrahim al-Uthman. Et donc c'est un livre qui réfute la règle des Ikhwan, qui dit nous coopérons, nous travaillons ensemble dans ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons mutuellement ou les uns les autres dans les choses dans lesquelles nous avons des divergences. Donc on réfute ce principe-là et cette idée-là. Et le chapitre qu'on commence à lire aujourd'hui, c'est Fahmu salaf asimun min al-ikhtilaf, c'est-à-dire que la compréhension des salaf est une protection contre la divergence. Donc ça, c'est un point très important également qui nous aide à comprendre que lorsqu'on s'accroche à la voie des salaf et à leur compréhension, eh bien ça fait en sorte que nos divergences diminuent. Et alhamdoulillah, on voit que de plus en plus que des élèves, des gens commencent à partir étudier l'islam et commencent à revenir et enseigner l'islam en français, et donc c'est comme si on dirait que donc l'ignorance commence petit à petit à diminuer et alhamdoulillah les ténèbres commencent à se dissiper grâce à la clarté de la compréhension et de la science qui arrive petit à petit maintenant à se répandre en Occident et ailleurs, hein, parce que alhamdoulillah en arabe on a des grands ulama qui clarifient la religion pour nous, mais pour les gens qui ne connaissent pas la langue arabe, ils sont coupés de la science. Et au début, bien entendu, c'était souvent les hizbiyin qui profitaient de l'occasion pour égarer les gens en les coupant des bonnes références et des sources et qui les attachaient aux gens de bid'ah. Mais maintenant, alhamdoulillah, on voit que le nombre des jeunes qui vont étudier la aqida et le manhaj salafi dans les pays musulmans et qui reviennent ou bien qui clarifient de là où ils sont les positions et les fondements de la aqida salafia et des principes du manhaj des salaf, on voit qu'ils commencent à augmenter de plus en plus et que la vérité commence à être de plus en plus claire. Donc alhamdoulillah rabbil alamin pour cette ni'ma dans ce sens-là, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur nombre augmente de plus en plus et que la clarté soit de plus en plus répandue à ce sujet-là. Donc on va commencer tout de suite à ce sujet. Donc le cheikh il dit وقد بينا فيما سبق أن اختلاف الصحابة كان يسيرا وهذا النزر اليسير كان في مسائل الاجتهاد وليس في شيء من قواعد الإسلام ومتابعتهم فيما هم عليه من أقوال وأفعال واعتقادات تورث الاتفاق الذي كان صفة لهم بل لا يسع مسلما أن يخرج عن طريقهم وفهمهم وفعل ذلك متوعد بوعيد شديد كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Le Cheikh il dit, nous avons expliqué dans ce qui a précédé que les divergences entre les Sahaba étaient très très très minimes. Il n'y avait pas beaucoup de divergences entre eux. Et le peu dans lequel ils ont divergé, le peu des questions dans lesquelles ils ont divergé, se limite à des questions d'ijtihad, comme on l'a expliqué dans les cours passés. Comme par exemple les questions de divorce, les questions d'héritage, qui sont des questions dans lesquelles il faut faire beaucoup plus d'efforts pour atteindre la vérité, et qui peut être qui peut avoir des verdicts parfois qui sont compliqués à atteindre, et ben dans ces questions-là on retrouve parfois des divergences, mais dans les questions qui sont fondamentales, et qui sont de base, ils n'ont pas de divergence dans les questions de aqida et des fondements de la charia, ainsi de suite. Donc le Cheikh il dit ici, en ce qui concerne les fondements des règles de la charia, des règles de l'islam en général, dans les croyances, ainsi de suite, dans les paroles, dans les actions qui forment les fondements de la religion, que ce soit les fondements dans l'aqida ou dans les bases de la charia, ainsi de suite, il n'y a pas de divergence. Et quiconque analyse ça, analyse et retourne à leurs paroles et suit tout ce qui a été dit et fait de leur part, il va réaliser que c'est-à-dire pas de divergence dans ces questions-là, et qu'ils sont d'accord dans ces questions-là, et que al-ittifaq c'est une de leurs caractéristiques, c'est-à-dire une de leurs caractéristiques c'est qu'ils sont d'accord entre eux dans ces questions-là. Et il n'est pas permis à un musulman de sortir de leur voie et de leur compréhension dans ces questions-là. D'accord? Ils sont d'accord. Quand ils sont d'accord sur ces bases-là, eh bien, nous, on n'a pas le droit par la suite de quitter leur voie et leur compréhension. Et quiconque sort de leur voie et de leur compréhension, eh bien, il a une menace très sévère qui tombe sur lui ou qui le suit dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 115, dans Sourate An-Nisa, que quiconque fait scission avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou s'oppose au messager, sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la guidance lui a été clarifiée et qu'il suit autre que la voie des mu'minines, nous allons le laisser se détourner comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination, quelle mauvaise destination. Donc ça, c'est ce verset au sujet du fait que non seulement on doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa guidance, mais il faut également suivre la voie des mu'minines. Et la voie des mu'minines, c'est la voie des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et donc, on ne peut pas prétendre, comme je disais plus tôt, on ne peut pas prétendre suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre sa sunnah si en même temps on va en contradiction et en opposition avec la voie des croyants, c'est-à-dire sabil al-mu'minin. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme je disais, qui veulent faire leur propre compréhension de l'islam et qui ont amené des compréhensions et des façons de suivre la religion qui sont différentes de la façon des sahaba et des tabi'in. Et puis ces gens-là, des fois ils sont arrivés après la période des sahaba, ou bien ils sont même parfois aujourd'hui en 2009 ou bien en 1430, ils viennent aujourd'hui avec des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions de l'islam, et ils veulent essayer de les imposer aux gens, et en faisant ça, ils rentrent donc dans la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les menace de les brûler en enfer, pour s'être tourné et pour ne pas avoir pour s'être détourné et pour ne pas avoir suivi la voie des croyants, sabil al-mu'minin. Donc c'est pas juste de dire je suis le Coran et la Sunna, il faut également suivre la compréhension générale et la voie, hein, et la méthodologie que les sahaba et les tabi'in ont suivi pour comprendre cette religion. Le cheikh il dit وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي وهم الذين شهدوا التنزيل ورضي الله عنهم رضا مطلقا وليس ذلك لأحد غيرهم. Le cheikh il dit, et ils sont au-dessus de nous en toute chose, hein, dans tout ce qui a rapport avec le comportement, la religion, l'aqida, la pratique religieuse, les règles de l'islam, dans tout ce qui a rapport avec l'islam et la vie en général, ils sont au-dessus de nous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, khayrun nasi qarni. Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Imran ibn Husayn et d'autres également. Il dit que la meilleure génération, c'est ma génération. Hein, ou bien les meilleurs hommes, c'est ma génération. Ce sont ceux de ma génération, c'est-à-dire parmi les mu'minin, ceux qui ont cru en l'islam. Et ce sont eux qui ont été les témoins de la révélation. Hein, tout ce qui est arrivé au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient là pour voir. Ils étaient là. Et souvent, même parfois, les versets qui étaient révélés étaient parfois à leur sujet ou au sujet de certains d'entre eux. Hein? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Du fait qu'ils ont eu accès direct à la révélation. Ils étaient des témoins de la révélation. Et donc, ils comprennent cette religion-là d'une manière que personne d'autre peut la comprendre. Ensuite, il dit, radiyallahu anhum ridan mutlaqan, Allah subhanahu wa ta'ala, et est satisfait d'eux d'une façon complète, hein, et d'une façon qui n'a aucune restriction dedans. Il est satisfait d'eux. Et ça, c'est, il n'y a personne d'autre que les sahaba qui peuvent prétendre à ce privilège de dire que Allah est satisfait d'eux. C'est uniquement les mu'minin parmi les sahaba. Et bien entendu, les sahabas sont des mu'minines, donc c'est uniquement eux qui peuvent prétendre ou qui peuvent dire de cette manière que Allah est satisfait d'eux. Tous ceux qui viennent après, hein, tous ceux qui viennent après, eh bien, la satisfaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a d'eux est conditionnelle, dans le sens qu'on doit suivre l'exemple des sahabas pour entrer dans la catégorie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait. Parce que c'est eux qui ont eu cette tazkiyah directe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Chacun d'entre nous, on a besoin d'une tazkiyah de quelqu'un d'autre. Mais eux, ils ont eu leur tazkiyah directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, قال البربهاري, l'imam al-Barbahari dans Sharh al-Sunna, il dit, والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Donc le cheikh il dit que l'imam al-Barbahari, qui est un des grands imams d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, un des imams parmi les salafs, il dit le fondement sur lequel la Jama'ah est établie, ce sont les sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que Allah leur fasse tous miséricorde. وهم أهل السنة والجماعة. Ce sont eux, أهل السنة, les gens de la Sunna et de l'unité, الجماعة. Donc quiconque ne prend pas d'eux, alors il s'est égaré et a innové. Quiconque ne prend pas sa compréhension de l'islam et sa pratique de l'islam d'eux, il s'est égaré et il a innové. Et toute innovation est un égarement, et tout égarement, ainsi que les gens de l'égarement sont dans le feu. Donc ça, c'est une parole de l'imam al-Barbahari ici qui clarifie. notre attitude et notre position dans l'islam doit être du fait qu'on doit prendre notre compréhension et notre religion des sahaba à la base. Parce que ce sont eux les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux Ahlus Sunnati wal Jama'a. Quand on parle du groupe sauvé, on parle d'eux. Quand on parle du groupe victorieux, on parle d'eux à la base. Quand on parle d'Ahlul Hadith, on parle d'eux à la base. Quand on parle d'Ahlul Athar, on parle d'eux à la base. Quand on parle d'As-Salaf, on parle d'eux à la base, parce que ce sont eux qui sont à l'origine et qui sont à la base de tout ce qui est établi dans l'islam. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui nous ont transmis l'islam. C'est eux le lien entre nous et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut se passer des sahaba. Et personne ne peut passer par-dessus les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien et qui nous ont transmis cette religion. Donc quiconque amène quelque chose qui n'a pas été amené par les sahaba, il a fait une innovation, ça il n'y a pas de doute, comme le cheikh et comme l'imam al-Barbahari le clarifie. Et donc quiconque a fait une innovation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un égarement et tout égarement est dans le feu. Ensuite le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah dans Minhaj al-Sunnah, volume 6, page 368. Il dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أنه لم يكن في القرون أكمل من القرون من قرون الصحابة فليس في الطوائف بعدهم أكمل من أتباعهم فكل من كان للحديث والسنة وآثار الصحابة أتبع كان أكمل وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله وأبعد عن التفرق والاختلاف والفتنة وكل من بعد عن ذلك كان أبعد عن الرحمة وأدخل في الفتنة فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في الرافضة كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم خاصته وهو إمامهم المطلق الذي لا يبغضون لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله لا يغضبون وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيرهم إلا إذا اتبع قوله ومقصودهم نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله des paroles en or de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans Minhaj al-Sunnah volume 6 page 368. L'imam Ibn Taymiyyah il clarifie ici l'importance des sahaba et de suivre les sahaba, et il dit comme il n'y a pas un siècle qui est plus parfait que le siècle des sahaba, et dans tous les groupes qui sont venus après eux, hein, il n'y a personne qui est plus parfait, hein, il n'y a personne qui est plus correct et plus complet et plus parfait dans leur façon de suivre la religion. Donc, toute personne qui suit la sunna et qui suit les athar des sahaba, donc plus il suit le hadith, plus il suit la sunna et plus il suit les athar des sahaba, c'est-à-dire les paroles des sahaba, plus il se rapproche de suivre le Coran et la sunna comme il faut et de suivre l'islam comme il faut, et plus il sera parfait et complet dans sa religion et dans sa compréhension. Donc c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer ici, que tu vois il y a beaucoup de groupes qui sont venus après les sahaba, mais les plus parfaits d'entre eux sont ceux qui sont les plus proches des sahaba. Plus ils suivent le hadith, la sunna et les athars des sahaba, plus ils sont parfaits et complets dans leur façon de suivre l'islam. وكانت تلك الطائفة أولى بالاجتماع والهدى والاعتصام بحبل الله. Donc ce groupe-là, c'est-à-dire ce groupe qui suit le hadith, la sunna et les athars des sahaba, ils sont plus proches et ils méritent plus d'être unis et d'être sur la guidance et de s'accrocher au câble d'Allah, et ils sont plus éloignés de la division, de la divergence et de la fitna que tous les autres groupes qui sont venus en dehors d'eux. Et ceux qui, donc c'est ça, tous ceux qui sont, qui s'éloignent du hadith, de la sunna et de la athar, des athar des sahaba, et de la, des compréhensions et des paroles et des citations des sahaba, eh bien, il est plus loin de la miséricorde, et il est plus apte ou plus facile, il entre plus facilement dans la fitna que quiconque. Et ça, c'est la réalité, c'est des choses qu'on constate, hein, que les gens qui s'éloignent de la sunna, et qui s'éloignent du hadith, et qui s'éloignent des athar des sahaba, et de la voix des sahaba, c'est très facile pour lui de rentrer dans les divergences, dans la division, et de rentrer dans la fitna, et ainsi de suite, dans tous les problèmes. Et c'est ce qu'on remarque, hein, parmi ces gens-là. Et donc, on les voit, yani Allah subhanahu wa ta'ala, on les voit, subhanallah, qui rentrent dans toutes sortes de divergences. Et on lisait ça justement à propos des gens de Bid'a parmi les Diobandiya et d'autres groupes également qui suivent des croyances et des compréhensions qui sont en opposition avec la aqidah des salaf et la compréhension des salaf salih, hein, comme les Diobandiya. C'est une école en Inde et dans différents continents également, parce qu'ils ont des écoles un petit peu partout, des écoles qu'ils appellent Dar al-Uloum, ok. Ils en ont en Afrique du Sud, en Angleterre, au Pakistan, en Inde, et même ici au Canada, ils ont des écoles qui suivent leur manhaj dans leur compréhension. Et dans le monde francophone, bien entendu, la plupart d'entre eux, ils parlent en anglais, parce que ce sont des gens d'origine indo-pakistanaise, mais quand même, on en retrouve parfois qui sont francophones, puisque à l'île Maurice et à La Réunion et dans d'autres régions comme ça, il y a des gens qui sont d'expression francophone, et ils propagent et ils enseignent leur compréhension qu'ils ont appris et étudié dans les écoles des Diobandiya. Et les Diobandiya, c'est une école qui est basée sur le soufisme et qui est basée sur beaucoup d'innovations et de bid'a, et qui est basée aussi sur le fait de s'accrocher aveuglément et de suivre fanatiquement le madhab de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Mais bien entendu, ils ont beaucoup de contradictions dans leur aqidah et dans leur manhaj, beaucoup de contradictions avec la aqidah des salaf salih, parce qu'ils sont sur la aqidah des maturidiyya. Et juste pour vous dire, juste pour vous faire une explication à ce sujet-là très rapide, c'est que parmi les groupes qui sont connus, parmi ceux qui sortent de ces écoles-là et qui sont de la tendance, de la tradition de cette école, il y a les groupes comme Jama'atut Tablir, dont les fondateurs font partie de cette école, et il y a également le groupe qu'on appelle les Taliban en Afghanistan, qui sont de cette tradition-là aussi. Et donc, ils sont différents groupes qui sont de cette influence-là ou de cette école-là. Et donc, ils ont beaucoup de contradictions avec la aqida d'Ahl-Sunnah. Sauf que dans leur site, ou dans un de leurs sites, ils disaient par exemple, bon, nous on parle pas contre les groupes, on va pas critiquer les salafis, mais étant donné qu'ils nous ont critiqués, donc nous aussi on va maintenant les critiquer. Mais s'ils se taisent à notre sujet, nous on va se taire à leur sujet. Donc ça c'est bien entendu quelque chose qui est contraire à la réalité du manhaj des salaf, puisque non seulement on ne doit pas se limiter à clarifier la vérité des erreurs des gens s'ils ont des erreurs lorsqu'ils nous critiquent ou lorsqu'ils nous réfutent, mais bien entendu il faut clarifier et donner la nasiha aux musulmans en général, qu'ils nous aient critiqués ou non, d'accord. Et le but dans la critique et dans la réfutation, c'est pour le bien de la Ummah et c'est pour le bien des musulmans, pour éviter que les musulmans tombent dans l'erreur et dans l'égarement. Et donc on ne peut pas se taire. Et ça, c'est une autre forme d'application ou de compréhension de cette règle des Ikhwan, qui dit qu'on s'excuse les uns les autres au sujet des choses dans lesquelles on est en divergence. C'est-à-dire ils se taisent les uns envers les autres par rapport aux erreurs qu'ils ont chacun d'entre eux dans leur manhaj ou dans leur aqida. Tandis que nous, les gens qui suivons la voie des salaf et de Ahl Sunnah wal Jama'ah, et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur cette voie et qu'il fasse en sorte que on le rencontre au jour de la résurrection avec cette voie, avec cette compréhension et avec cette bonne aqida, hein, et qu'il nous raffermisse sur cette aqida, sur cette compréhension de l'islam. Donc nous, on doit clarifier et expliquer et exposer pour les musulmans et pour la umma en général la vérité et le faux, pour que les gens puissent distinguer entre les deux et pour qu'ils puissent être sauvés de l'égarement, justement, et non pas attendre à ce que des gens nous critiquent pour clarifier la vérité sur différentes questions ou différents sujets de cette façon. Donc c'est pas une vengeance, c'est pas une question de vengeance personnelle lorsqu'on critique quelqu'un ou lorsqu'on clarifie les erreurs de quelqu'un. Ça doit pas être comme une vengeance personnelle de parce que quelqu'un nous a critiqué, on le critique. Non, il faut que ce soit fait avec sincérité, avec pureté dans notre intention. Il faut que ce soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il faut que ce soit fait avec justice, c'est-à-dire de pas déformer la réalité ou mentir. Et il faut également que ce soit fait avec sincérité et ikhlas, pour que ce soit fait uniquement pour Allah, et avec ilm, avec science, bien entendu. Il faut se retourner aux ulama de l'islam pour leur demander les conseils et pour leur demander de clarifier ces questions-là pour nous, pour que la clarification et les explications des ulama nous éclairent dans nos compréhensions. Ça, c'était juste un point en passant à ce sujet-là. Le cheikh, il dit ensuite: فَلَيْسَ الضَّلَالُ وَالْغَيُّ فِي طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ أكثر منه في الرافضة. Donc il dit, il n'y a pas d'égarement et de déviation parmi tous les groupes qui font partie ou qui prétendent appartenir à la Ummah. Il n'y en a pas de groupe plus égaré et plus dévié parmi eux que le groupe des Rafida. Hein? Eux, ils sont à l'opposition totale, hein, par rapport à la Sunna. Et c'est pour ça que parfois quand on parle, là je rajoute un point à ce sujet-là, c'est que souvent quand on parle de quand on parle des sectes de l'islam, on dit il y a les sunnis et il y a les chiites, et c'est comme si c'était une opposition, c'est-à-dire comme si c'était les deux seules sectes qui existaient. Pourquoi c'est comme ça? Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il explique dans différentes parties de Majmu' al-Fatawa, dans le volume 4, il dit la raison pourquoi les gens, quand on parle de sectes, ils mentionnent toujours sunna et shia, c'est que les shia ont tellement opposé la sunna qu'ils en sont devenus les porte-parole de l'opposition. C'est comme si c'est eux les représentants de la contradiction de la sunna et les opposants de la sunna. C'est pour ça que lorsqu'on parle des gens de bid'ah ou des gens qui ont opposé la sunna parmi les groupes et les sectes, on mentionne toujours les rafidah en premier et les shia en premier. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce que c'est eux qui ont été parmi les gens qui ont opposé le plus la sunna. Toutefois, il y a d'autres groupes de bid'ah qui ont également contredit la sunna et qui ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, hein, mais on les mentionne pas de la même façon qu'on mentionne les Rafida parmi les Shia, parce que justement les Shia Rafida sont à la tête de l'opposition à la sunna, et ils sont au devant de tous les autres parmi les groupes d'égarement et de déviation. Tandis que les autres groupes, également, ils font partie des groupes de bid'ah et ils ont aussi des déviations et des contradictions avec la sunna. Sauf que, étant donné que par rapport aux shi'a, on les mentionne pas de la même façon, malgré que ce sont eux aussi des groupes d'égarement et des sectes et des mubtada'a comme les rafida aussi. Donc, il dit: كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه في أهل الحديث والسنة المحضة. Donc il dit, tu peux pas trouver de la même façon, quand tu regardes les autres groupes de la Umma, tu peux pas trouver un qui est plus près de la miséricorde, de la guidance et de la droiture que les gens du hadith et de la sunna, pur, hein, qui ont suivi en exclusivité la sunna et le hadith, hein. Et ce sont ceux qui ne défendent que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله. Quand ils défendent l'islam, ils défendent la sunna et le messager sallallahu alayhi wa sallam en particulier, parce que c'est lui leur imam absolu, et ils ne se fâchent pas pour la parole de quiconque autre que sa parole à lui quand elle est contredite. C'est-à-dire, pourquoi le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah il dit ça ici, c'est parce que les autres groupes de bid'ah, ils se fâchent non pas pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne défendent pas uniquement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se fâchent et ils défendent leurs imams ou bien leurs shuyukh ou bien les fondateurs de leur groupe et de leur secte qui ont opposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein. Donc quand tu vas parler avec n'importe quel groupe parmi les groupes de bid'ah et tu vas critiquer leur bid'ah et leurs fondateurs, ils vont se mettre en colère et ils vont commencer à se fâcher pour le défendre, alors que ces fondateurs ont contredit le Coran et la Sunna et la voie des salafs salih. Ils se fâchent dans ce cas-là, tandis que les salafs et les gens qui suivent le hadith et la Sunna, ils se fâchent uniquement lorsque quelqu'un a contredit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein. Et on se fâche également quand quelqu'un attaque les imams parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont opposés. Pourquoi? Parce que ceux-là ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tandis que ceux qui sont venus en opposition avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, eh bien nous on a plus de raisons de se fâcher, parce que c'est lui qui nous amène la révélation et c'est lui qui a clarifié la vérité pour nous. Et toute autre personne qui s'oppose au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, on n'a pas le droit de le défendre dans la chose dans laquelle il a contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc, notre imam absolu, celui qui est au-dessus de tous les autres, c'est pour nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et on place pas la parole de quiconque au-dessus de sa parole, hein? Et on ne met personne au-dessus de lui parmi les hommes, dans la façon dont on suit et on comprend notre religion. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et les gens qui suivent la sunna et le hadith, leur intention et leur objectif principal, c'est de suivre, et c'est de défendre et de suivre le Coran et la sunna et de donner victoire à Allah et à son messager. C'est ça leur objectif. C'est pas de supporter ou de défendre leur groupe ou leur organisation ou leur jama'a ou leur secte ou autre chose, non. Qu'est-ce qu'ils veulent défendre? C'est le Coran et la Sunna, et ils veulent défendre Allah et son messager et porter secours à Allah et à son messager dans la religion. C'est ça l'important. Donc si par exemple quelqu'un, hein, c'est comme le Cheikh Zayd al-Madkhali, hafizahullah, il expliquait justement, il dit, quand tu regardes par exemple qui est le fondateur de Tablir, tu vois que c'est Mohamed Elias al-Kandahlawi et que c'est un soufi de l'école des Diobandiyah, hein, et d'une tariqa soufia qui suivait une tariqa soufia qui s'appelait Al-Chistiyya, et également qu'il était dans la aqida des Maturidiyya, dans sa aqida au sujet des noms et des attributs et d'autres aspects de la aqida. Et ça, c'est des voies de bid'a, hein, des contradictions de la sunna. Donc quand tu mentionnes ça au tablir et aux gens de tablir, et quand tu leur clarifies ça pour eux et pour les autres musulmans, tu les vois, ils se mettent en colère. Et ils essaient de défendre leur cheikh et leur imam ou leur fondateur. La même chose pour les ikhwan. Lorsque tu critiques leur fondateur, Hassan al-Banna, et que tu mentionnes que c'était un soufi de la tariqa al-Hisafiyya al-Shaziliyya, hein, et qu'il était dans les mêmes bid'a qu'eux, dans ces bid'a-là, hein, il allait s'asseoir et méditer au bord des tombes, il faisait des célébrations pour le maulid. Il faisait beaucoup d'autres bid'a comme ça aussi, et que dans sa aqida au sujet des asma ou sifat, il était sur la aqida des asha'ira al-mufawwidin, qui déforment ou qui nient la compréhension des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur signification. Donc ça, c'est également une autre voie de bid'a, Et dans d'autres questions également, il avait d'autres idées qui étaient influencées par d'autres groupes et d'autres sectes, comme par exemple la aqida des Khawarij au sujet des dirigeants, hein, puisqu'il a basé son groupe comme étant un groupe politique qui s'oppose au pouvoir et au régime qui sont dans les pays musulmans. Donc ça c'est déjà une autre influence de bid'a. Donc beaucoup de problèmes dans cette jama'a. Et quand tu mentionnes ces erreurs et ces contradictions, bien entendu, ils se fâchent pour leur fondateur. Et ça les dérange que tu mentionnes ces choses-là. Hein? Et la même chose pour les autres groupes. Si tu parles de aux takfiriyin et que tu critiques leur chef et leur représentant, que tu parles contre Ben Laden ou contre Az-Zawahiri, ou bien que tu parles contre Sayyid Qutb ou contre leur représentant également ailleurs dans les pays musulmans, Salman et Safar, ou bien yani d'autres parmi les Hizbiyin, eh ben ils vont se fâcher également. Hein? Alors que ces gens-là ont contredit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, et la voix des sahaba. Donc, on voit que ceux qui défendent réellement l'islam et qui défendent réellement Allah et son messager, uniquement et en exclusivité, ce sont les gens qui suivent les salaf salih. Parce que eux, ils n'ont pas de fondateur pour leur jama'a, excepté la jama'a des sahaba. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a enseigné cette voie-là. Et cette voie-là, elle nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala directement dans le Coran et dans la révélation de la Sunna. Donc, on n'a pas de fondateur à suivre autre que Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui nous a révélé cette révélation-là et qui nous a ordonné de la suivre. Contrairement aux autres. Et tous nos imams sont des imams qui ont suivi cette voie-là parmi les imams de l'islam. Hein? Et on les aime et on les respecte et on les suit dans le bien. Et s'ils se sont trompés dans une erreur, on les suit pas dans cette erreur-là. Hein? Et ça, c'est la même chose pour tous les imams qui ont suivi ce manhaj. Ensuite, il y a un autre point important que le cheikh mentionne. Maintenant, on a fini ce chapitre qu'on a lu. Mais il y a un autre point, et c'est une shubha que les hizbiyin mentionnent à chaque fois pour supporter leur hizbiya et pour supporter les divergences. Ils veulent essayer de dire que dans l'islam il y a une ouverture, il y a la multipartisme, il y a la diversité, il y a le pluralisme. Tu peux ramener tout ce que tu veux dedans. L'islam est ouvert à la divergence et à toutes les opinions. Tu peux avoir ta liberté, tu peux penser comme tu veux, faire ce que tu veux, croire comme tu veux. Tout est permis. Donc, ils essaient d'utiliser des shubuhat pour défendre ça. Et parmi les shubuhat qu'ils utilisent, il y a le hadith de Salat al-Asr à Bani Qurayza. Donc on va lire ce passage là. Le cheikh dit hadith salat al-Asr fi Bani Qurayza. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم بل نصلي العصر لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. وهذا الحديث تعلق به أرباب البدع المضلة الذين قالوا إن للنصوص باطنا غير ما يدل عليه اللفظ، وكذلك المحرفون لنصوص الصفات، بل صار عمدة كل مخطئ معرض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة، وليس فيما تعلق به متعلق لأن الزمان زمان تشريع، فظن البعض أنه يسوغ تأخير الصلاة عن وقتها إذا كان الشاغل ضرورة كالحرب. أما وقد ثبتت الأحكام وبينت الأمور فليس حال المخطي بعد ذلك مطابقا لحال الصحابة. Donc ici le cheikh il clarifie ce, les questions qui ont rapport avec ce hadith. Le hadith de la prière de Asr à Bani Qurayza, c'est arrivé une fois, et ça c'est rapporté par Ibn Omar dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith authentique. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de Al-Ahzab que personne d'entre vous ne prie Al-Asr excepté au lieu où habite ou à l'endroit où demeure Bani Qurayza, la tribu juive de Bani Qurayza. Donc, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit que personne d'entre vous ne fasse la prière de Asr excepté à cet endroit-là, à Bani Qurayza. Donc, certains ont prié l'Asr en chemin parce qu'ils n'étaient pas capables d'arriver à temps, c'est-à-dire ils ne pouvaient pas arriver avant le Maghreb à Bani Qurayza. Donc, ils se sont dit, on va prier tout de suite. Et il y en a d'autres qui n'ont pas... prier en chemin. Ils sont allés direct à Bani Qurayza et puis ils ont rattrapé la prière là-bas, une fois qu'ils étaient arrivés là-bas. Donc, certains d'entre eux ont dit on ne prie pas jusqu'à ce qu'on arrive. Et d'autres ont dit non, on prie. Parce que c'était pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous dire lorsqu'il a dit ça. Il voulait seulement nous dire dépêchez-vous d'arriver. Mais il ne voulait pas dire nécessairement ne priez pas l'Asr, même si le temps va sortir. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à Bani Qurayza, ils ont mentionné ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas blâmé ou n'a pas critiqué aucun des deux groupes. Il n'a pas réprimandé le groupe qui avait prié en chemin, et il n'a pas non plus réprimandé le groupe qui n'avait pas prié en chemin et qui était arrivé jusqu'à Bani Qurayza et qui ont prié là-bas. En retard. Donc, le cheikh il explique au sujet de ce hadith. Il dit ce hadith est un hadith au sujet. C'est un hadith que tous les gens de bid'a et d'égarement essaient d'utiliser pour s'accrocher à sa bid'a. La plupart du temps, ils mentionnent cet exemple-là comme un exemple pour essayer de dire. Bon, on peut faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, avoir n'importe quelle opinion. De toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une différence entre les sahaba au sujet de la salat, dans l'histoire de Bani Qurayza, eh bien, il n'a pas blâmé ni un ni l'autre des groupes. Et ils disent donc que certains parmi les gens de Bid'a, ils ont utilisé ce hadith-là pour essayer de dire que les textes ont un sens caché qui n'est pas indiqué par le texte lui-même. Donc ça c'est ceux parmi les Batiniyoun qui essaient de dire que le texte a une partie qui est apparente et une partie cachée, et que eux ils ont compris le sens caché de la révélation, et ainsi de suite. Donc ils se permettent de faire ce qu'ils veulent dans la religion. De même qu'il y a également d'autres qui ont utilisé ce hadith-là pour essayer de justifier la déformation des textes qui ont rapport avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en fait, comme le cheikh il dit, ce hadith-là est devenu, pour les gens qui ont fait des erreurs et qui se sont détournés du Coran et de la Sunna et des salafs de la Ummah, pour eux c'est devenu comme un pilier, ce hadith, et ils essaient de toujours retourner à ce hadith pour essayer de défendre leurs erreurs. Et lorsqu'ils refusent de revenir à la vérité, ils essaient de mentionner ce hadith-là pour essayer de justifier leurs erreurs et de continuer à la suivre. Donc le cheikh il dit, mais ils n'ont aucune justification pour justifier leur façon de suivre c'est-à-dire ils n'ont aucune preuve dans ce hadith-là pour justifier leur attitude ou leur comportement. Et vous voyez ça de la part des hizbiyens, parfois on dévoile leurs erreurs ou on montre par exemple une contradiction qu'ils ont eue avec la charia, et malgré les nombres de fois qu'on est allé leur donner le nasiha en privé et en public et qu'on leur a clarifié les erreurs qu'ils ont faites, ils ne reviennent jamais. Hein? C'est comme si pour eux, ils ont l'impression que, en se basant sur ce genre de hadith, chacun a droit à son opinion et que tout le monde est correct, même si ils ont fait une erreur. C'était leur ijtihad et donc ils n'ont pas à revenir de cet ijtihad. Ça, c'est la compréhension de beaucoup d'entre les gens de Bid'a et parmi les Hizbiyyin. Et ils essaient de se baser sur ce genre de texte, parmi les textes qui sont rapportés dans la Sunna, et ainsi de suite. Bien entendu, comme le Cheikh il dit, il n'y a aucune preuve pour eux dans ce hadith-là. Pourquoi? Premièrement, parce que l'époque où cet événement-là s'est produit était une époque, c'était à l'époque de la révélation elle-même. C'est-à-dire, la révélation n'était pas encore terminée. Donc, tant que la révélation n'est pas complétée et terminée, eh bien, il y a toujours des législations nouvelles qui arrivent et il y a toujours des changements qui peuvent se produire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est là pour justifier ou clarifier ou réprimander ou approuver lorsque quelque chose se produit. Mais aujourd'hui, la révélation est complète. Hein? Elle est terminée, la révélation. Donc, quelqu'un ne peut pas dire aujourd'hui, ben, je vais retarder la prière de Asr, je vais la prier après. Hein? Parce que là, je suis occupé ou je fais quelque chose. Hein? Bien entendu, il y a des révélations, il y a des textes clairs qui mentionnent que on ne doit pas laisser la prière, et en particulier la prière de Asr, sortir de son temps. Et le Cheikh, il dit que certains ont voulu utiliser ça pour essayer de dire, bon, on a le droit de retarder la prière de son temps lorsqu'on est occupé dans des questions comme par exemple la guerre ou des choses de ce genre. Mais comme le Cheikh il dit, mais aujourd'hui que les règles ont été établies et qu'elles ont été raffermies, clarifiées, et donc on ne peut plus par la suite prétendre que l'état de la personne qui fait une erreur aujourd'hui est comparable à l'erreur des Sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on n'est plus à l'époque de la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est plus avec nous aujourd'hui pour nous dire par exemple qu'on est excusé ou non. On doit se limiter et suivre qu'est-ce qui est clarifié et révélé dans les règles de la charia à ce sujet-là. Et il mentionne les paroles d'Ibn Hajar à ce sujet. Dans Fath al-Bari, le volume 7, à la page 409 et 410. Ibn Hajar al-Asqalani, il dit: ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيستفاد منه عدم تأثيمه. وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني عن النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما هربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب لا سيما والزمان زمان التشريع والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة. Donc l'imam Ibn Hajar clarifie ce sujet. Il dit que on ne peut pas se baser sur cette histoire pour essayer de justifier la règle de ceux qui disent toute personne qui fait un ijtihad ou tout mujtahid a raison ou est correct. Kullu mujtahidin musib, comme on en a parlé dans les cours passés. On ne peut pas utiliser cette histoire de façon absolue pour prouver ce principe ou cette règle-là. Et de l'utiliser de cette façon pour prouver que tout mujtahid a raison, ce n'est pas quelque chose de clair de le faire de cette façon. Laysa biwadih. On peut uniquement dire une chose, c'est que la personne qui fait un ijtihad et qui s'est trompée, on ne doit pas le réprimander d'une façon trop dure, et on peut également prouver par rapport à cette histoire que il n'a pas fait de péché du moment qu'il a fait un ijtihad et que c'est un mujtahid et qu'il s'est trompé. Étant donné qu'il s'est trompé, on a expliqué ça dans le passé, que on ne doit pas le réprimander d'une manière trop dure, hein, mais en même temps, et puis en même temps, il n'a pas fait de péché. Ça ne veut pas dire que on doit approuver de cette erreur-là et l'accepter, hein, comme on l'a expliqué dans le passé également. Donc, il a fait son effort, il a fait son possible, hein, il a fait tout ce qu'il pouvait pour atteindre la vérité, mais il s'est trompé. Donc, sur cette histoire, à partir de cette histoire, on peut justifier, on peut prouver qu'on ne doit pas le blâmer d'une façon trop dure et qu'il n'a pas de péché pour avoir fait cette erreur-là. Tant qu'il est un mujtahid et qu'il a fait son effort, il a une hasana au lieu de deux. Donc, c'est ça ce qu'on peut trouver dans cette histoire-là, c'est tout. Le cheikh, il dit « وَحَاصِلُ مَا وَقَعَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّ بَعْدَ الصَّحَابَةِ » Ok, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette histoire en général? C'est que certains sahaba ont vu qu'il y avait deux interdictions. Il y a l'interdiction première qui est de ne pas retarder, l'interdiction de retarder la prière de Asr de son temps. Et il y avait l'autre interdiction qui est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur disait ne priez pas Salat al-Asr excepté à Bani Qurayza. Donc eux, ils ont pris la deuxième interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une réalité, hein, comme étant une interdiction réelle dans son sens absolu et clair, et ils n'ont pas pris en considération, ou ils n'ont pas considéré que le temps allait sortir, le temps de la prière d'Asr allait sortir ou allait terminer. Ils ont dit c'est pas grave, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne priez pas l'Asr avant d'arriver à Bani Qurayza, donc on va obéir à cet ordre-là. Donc ils ont fait passer cette interdiction-là par-dessus la première, de faire retarder la prière de son temps. D'accord? Donc, tandis que les autres, eux, ils se sont... Il dit qu'ils se sont basés sur cette histoire-là pour essayer de dire qu'on a le droit de retarder la prière quand on est occupé par des questions de guerre. Par comparaison aussi à ce qui s'est passé également au jour de Al-Khandaq, comme c'est mentionné dans le hadith de Jabir qui a précédé dans Fath al-Bari, où c'est clarifié qu'ils ont prié la prière de Asr après que le soleil s'est couché, parce qu'ils étaient occupés par la guerre, ils n'ont pas eu le temps de la faire avant. Donc le cheikh il dit فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب لا سيما الزمان زمان التشريع. Donc ils ont appliqué cette règle et ils l'ont appliquée à toute autre chose qui était reliée à la guerre. Ils ont dit que tant que c'est relié à la guerre, c'est permis de. Ils ont dit c'est permis dans ce cas-là de retarder la prière, et même si elle sort de son temps. Et en particulier que c'était une époque de la révélation et de législation, les règles continuaient encore à être révélées à l'époque. Tandis que les autres sahaba, eux, ils ont pris l'interdiction, non pas comme étant une interdiction réelle, ils l'ont pris comme étant juste une incitation à se dépêcher et à faire vite pour essayer d'arriver à temps à Bani Qurayza, et c'est-à-dire d'arriver avant la prière de Maghrib. Hein? Donc c'est comme s'ils l'ont pris dans le sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur dire dépêchez-vous d'arriver à Maghrib pour la prière de Maghrib, ou avant la prière de Maghrib à Bani Qurayza. Mais lorsque la prière, si on voit qu'on n'est pas capable d'arriver avant le Maghreb, mais on va s'arrêter pour faire quand même la prière de Asr en chemin. Et ensuite, le cheikh, il mentionne à ce sujet-là les paroles de l'imam et du cheikh Mohammed ibn Nasr, Mohammed Nasruddin al-Albani. Dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, le volume 4, à la page 448, il parle de ce hadith-là. Et il dit « Tanbihun yahtadju ba'du nas al-yawm bihada al-hadith ala du'ati min al-salafiyin wa ghayrihim الذين يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه أو فيما اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف الصحابة في هذه القصة وهي حجة داحضة واهية لأنه ليس في الحديث إلا أنه لم يؤنف واحدا منهم وهذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف وفيه أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Donc le cheikh, il dit, cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, il dit qu'il veut faire une note importante ici au sujet de ce hadith, que certaines personnes aujourd'hui essaient d'utiliser ce hadith-là contre les du'ats, les gens qui appellent à la da'wa salafiyya parmi les salafiyyin, et également parmi d'autres qui appellent à retourner au Coran et à la Sunna dans les choses dans lesquelles les musulmans ont divergé. Ils essaient d'utiliser ce hadith-là contre eux en disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la divergence entre les sahaba dans cette histoire et qu'il n'a pas, qu'il n'aurait pas blâmé aucun des deux groupes parmi les sahaba à ce sujet. Et en fait, le cheikh dit que c'est une preuve ou un argument futile, hein, et qui est facilement réfutable. Parce que il n'y a pas autre chose dans ce hadith que le simple fait qu'il n'a pas blâmé ou réprimandé un des deux groupes. C'est la seule chose que vous pouvez ramener par rapport à ce hadith-là. Rien d'autre. Et ça, c'est en accord avec le hadith de Al-Ijtihad qui est bien connu, comme on l'a mentionné, que si le mujtahid fait une erreur, il a une seule récompense. Alors, comment on pourrait réprimander celui qui est récompensé, hein? Donc ça, c'est pour dire que ce hadith-là de la salat de Asr à Bani Qurayza est en accord complètement avec le hadith qui dit que lorsque quelqu'un fait une ijtihad et qu'il a une bonne réponse, il a deux hasanat ou deux récompenses. Et s'il se trompe, il n'en a qu'une. Donc c'est dans le même sens que ça, qu'on ne doit pas le réprimander de la même façon que quelqu'un qui fait une erreur mais qui n'est pas mujtahid, par exemple. Là, c'est autre chose. Mais, il dit, mais de prendre ce hadith-là pour essayer de justifier la divergence, alors il dit ça, c'est totalement faux. Parce que c'est premièrement en contradiction avec les versets clairs et tranchants qui nous ordonnent de revenir au Coran et à la Sunna lorsqu'on a des divergences et lorsqu'on a des désaccords. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 59 dans Sourate An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et donc, il y a ce verset-là. Et ensuite, il y a l'autre verset que le cheikh mentionne qui dit « Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur manière d'agir. » Le Cheikh il dit encore, il continue par la suite, et ça c'est le verset 36 dans Sourate Al-Ahzab. Après il dit: وَإِنَّ عَجَبِي لَا يَكَادُ يَنْتَهِي مِنْ أُنَاسٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِذَا دُعُوا إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ قَالُوا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اخْتِلَافُ أُمَّةِ رَحْمَةٍ وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْمُسْلِمِينَ حَقًّا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وقد بسطت القول في هذه المسألة وقد بسطت القول في هذه المسألة بعض الشيء وفي قول أحد الدعاة نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه في تعليق لي كتبته على رسالة كلمة سوى لأحد المعاصرين ولم يسم نفسه لعله يتاح لإعادة النظر فيه وينشر. Donc le cheikh il dit, et mon étonnement ne cesse pas, hein, je suis toujours étonné des gens qui prétendent qu'ils appellent à l'islam, ou qui croient qu'ils appellent à l'islam, et lorsqu'on les amène, et lorsqu'on les invite à juger vers l'islam, on les invite à retourner à l'islam comme juge, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, ils disent la divergence de ma umma est une miséricorde. Alors que c'est un hadith qui est faible et qui n'a aucun fondement, alors qu'ils lisent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet des vrais musulmans dans le Coran, dans le verset 51 dans Sourate An-Nur, la parole des croyants lorsque on les invite à juger, par ce que Allah et son messager ont révélé, c'est-à-dire lorsqu'ils sont invités à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, leur réponse n'est que de dire nous avons entendu et nous avons obéi, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc c'est ça la réponse des vrais croyants lorsqu'ils sont invités pour qu'on juge entre eux par Allah et son messager, par le Coran et par la Sunna. Ils disent nous avons entendu et nous obéissons, hein, sami'na wa ata'na, et c'est ceux-là qui auront le succès. Donc c'est pas de dire ouais, on appelle à l'islam, puis ikhtilaf ummati rahma, c'est la divergence de la umma c'est une miséricorde, donc augmentons la divergence dans ce cas-là, hein, a'udhu billah. Donc ça c'est un hadith qui est daif, comme le cheikh il l'a expliqué et comme on l'a mentionné déjà, ok. Si la divergence était une miséricorde, ça voudrait dire qu'il faudrait encourager la divergence. Ça voudrait dire qu'il faudrait l'augmenter, la divergence, et faire en sorte qu'il y en ait de plus en plus pour avoir plus de miséricorde. Et bien entendu, ça c'est complètement absurde. Hein? C'est pas la divergence de la Ummah qui est une miséricorde, mais bien entendu c'est le fait qu'ils s'unissent et qu'ils soient en accord entre eux, les uns avec les autres. C'est ça la miséricorde. Hein? Et le contraire, au contraire, c'est pas la divergence, c'est pas une miséricorde, mais c'est un châtiment. Al-Ikhtilaf ou Char ou Azab, c'est un châtiment. Hein, c'est quelque chose de mauvais. Et il dit ensuite, et j'ai parlé de ça un petit peu en détail maintenant, j'en ai parlé un petit peu plus, en particulier au sujet de la parole d'un des du'ats, une des personnes qui faisait la da'wa. Et qui disait nous coopérons entre nous dans les choses dans lesquelles nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres lorsqu'on a des divergences entre nous. Et il a parlé de ça dans une note que j'ai fait au sujet d'un livre qui s'appelle Kalimatin Sawa, écrit par un des contemporains que je ne vais pas nommer. Peut-être que ça va lui permettre de retourner à ce livre-là pour vérifier pour vérifier dedans. Donc c'est ça. Donc c'est pour dire que cette parole elle est en contradiction avec le manhaj des salaf et avec le Coran et la sunna. Et ensuite, il y a un autre point que le cheikh a mentionné. هل يعذر كل من تأول تأويلا خاطئا؟ C'est la question suivante. Est-ce que toute personne qui fait une erreur d'interprétation ou une erreur de compréhension dans la religion est excusée? Est-ce que tout le monde est excusé du moment qu'il se trompe? Ou bien il y a des exceptions à ça? Donc le cheikh il dit, قال تعالى ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وقال البربهاري وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعل الناس الاتباع فهناك صنف من الناس متبع لأهوائه وآرائه وخواطره وهواجسه وتراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر من الشمس برأي دخيل واستحسان ذميم وظن فاسد ونظر مشوب بالهوى فهل يعذر مثل هذا؟ Donc le cheikh il dit, il mentionne un verset dans le Coran qui dit, et nous avons amené un livre dans lequel on a tout clarifié avec science, hein, tout détaillé avec science. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ Nous leur sommes venus avec un livre qui est détaillé, dans lequel tout est détaillé avec science. Et ça, c'est donc un verset dans le Coran. Et après, le cheikh il mentionne les paroles de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu dans As-Sunnah qui dit : il n'y a pas d'excuse pour quiconque a suivi un égarement et qu'il a cru que c'était une guidance parce que, pourquoi il n'y a plus d'excuses? Parce que les choses ont été clarifiées et la preuve a été affirmée et l'excuse donc n'est plus valable. Il n'y a plus d'excuses pour personne. Du moment que la preuve est appliquée et établie, il n'y a plus d'excuses. Et il mentionne les paroles de l'imam al-Barbahari dans Sharh al-Sunnah. Il dit ça, c'est parce que la sunna et la jama'a ont clarifié et détaillé toutes les questions de la religion. Hein? Et donc, tout a été clarifié pour les gens. Il ne leur reste qu'une chose à faire, c'est de suivre. Cette religion-là, il ne reste qu'une chose à faire avec, c'est de la suivre. Vous avez des gens parmi des Ikhwan ou d'autres Hizbiyin, des théoriciens. Ils établissent des règles et des théories sur la religion, hein, et ils mentionnent qu'il faut faire tel projet ou tel programme ou tel système ou telle organisation ou tel plan pour arriver à réformer ci, réformer ça, changer ci, changer ça, comme si on avait besoin d'une nouvelle religion aujourd'hui, hein, comme si l'islam n'était pas déjà clarifié. Et comme si les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala n'étaient pas déjà clarifiées dans le Coran et dans la Sunna. Comme si on avait besoin d'inventer quelque chose de nouveau, hein, qui n'existait pas auparavant. Alors qu'au contraire, tout existe, tout est déjà clarifié. On a juste à l'appliquer. Hein? Et donc quand vous voyez ces gens-là qui parlent beaucoup, qui essaient d'établir ou de hein, comme il y en a des conférenciers ici, des fois parmi les Hizbiyin, ils viennent, ils disent il faut faire apparaître la Ummah, ou il faut faire je trouve pas exactement les mots pour le dire en français, mais ils disent il faut comme si, en voulant dire, créer une Ummah, comme si la Ummah n'existait pas déjà, hein, c'est comme s'ils veulent la faire apparaître comme si elle n'existait pas, la Ummah. Donc il faut selon eux la créer. Et c'est comme s'il faudrait, pour arriver à ça, inventer des choses nouvelles ou amener des nouvelles théories, des nouvelles hypothèses, des nouvelles compréhensions de l'islam. Et ça, bien entendu, c'est complètement contraire à l'islam, puisque tout a été clarifié déjà. Et si on se limitait juste à pratiquer et à appliquer ce qu'on connaît et ce qui est clarifié dans le Coran, dans la Sunna, eh bien, on verrait que, yani, mashallah, les choses sont faciles et claires. Nous, maintenant, pourquoi on a l'impression qu'on est dans plein de divergences entre nous? Pourquoi? C'est parce qu'on parle trop. Et dans le sens qu'on parle trop, on fait trop d'argumentations et de débats. Vous allez parfois arriver sur des forums ou des trucs comme ça. Les gens vont débattre des sujets qui ont été clarifiés depuis 1400 ans. Des choses qui ont déjà été expliquées et clarifiées des siècles et des siècles auparavant, avant nous, par les imams et par les savants de l'islam. Et il y en a des gens qui ramènent ces questions-là pour essayer d'en faire des sujets de polémiques et des sujets de controverses ou des sujets de débats. Comme si on allait refaire l'islam aujourd'hui et réinventer la roue, comme on dit. Non. Les choses sont clarifiées et tous ces débats dans les forums et toutes ces discussions et tous ces ces colloques que les hizbines organisent, ces réunions qu'ils organisent, ces conférences et ces conventions qu'ils organisent pour se réunir, pour essayer d'arriver avec quelque chose de nouveau, tout ça n'a aucune valeur, hein, par rapport au Coran et par rapport à la Sunna. Ils ne pourront rien, jamais rien changer, hein, de l'islam. Des fois, vous avez parfois des textes qui sont propagés, qui disent, par exemple, une centaine de savants se sont réunis et ils ont dit telle chose. Comme si le fait qu'une centaine de personnes seraient réunies, ça pourrait arriver, ça pourrait amener à ce que des règles de l'islam qui sont fermement claires et établies pouvaient changer aujourd'hui. Non. Les règles de la charia qui sont établies dans le Coran et dans la Sunna, et au sujet desquelles il y a des consensus, hein, et les choses qui sont fermes dans les textes clairs et explicites, ne seront jamais changées. Jamais. Personne ne pourra rien changer à ça, même si des centaines et des centaines et des centaines de savants voudraient changer une virgule, un point, une lettre de la révélation, ils ne changeront jamais rien. Et même s'ils essaient de le faire, ça ne sera jamais accepté d'eux. Donc, ça c'est très important. Et le cheikh, il dit, il y a une catégorie des gens qui suivent leurs passions, qui suivent leurs opinions, qui suivent les idées qui leur passent par la tête, hein, et tu les vois rejeter des choses qui sont dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont plus claires que l'aube, hein, qui sont plus claires que la lumière du jour, et plus connues et plus célèbres que le soleil, hein, plus claires que le soleil. Tu les vois les rejeter comme si rien n'était. Et ils se basent sur quoi pour les rejeter? L'opinion d'un tel, ou l'idée d'un tel, ou qu'est-ce qu'un tel a considéré comme étant bon, ou une supposition, ou une analyse, ou une pensée d'un tel ou d'un tel, et pour les passions d'un tel. Est-ce qu'une personne qui agit de cette manière-là, lui, est-ce qu'il est excusé dans ses erreurs? Bien sûr que non. Hein? Comme le cheikh il le mentionne ici. Il y a des gens qui sont excusés dans leurs erreurs et dans leur mauvaise compréhension parce que ils ont fait l'effort pour arriver à la vérité, ils ont suivi la bonne voie, hein? Ils ont fait l'effort, le meilleur effort possible. Puis malheureusement ils se sont trompés. Ceux-là ne sont pas excusés. Ceux-là sont excusés parce qu'ils ont fait l'effort possible. Tandis que ceux qui n'ont pas suivi la bonne voie du tout, hein, puis qui ont suivi leur passion et qui ont fait une erreur, ceux-là ne sont pas excusés pour leur erreur. Hein? C'est comme, je ne sais pas si j'ai mentionné cet exemple-là une fois, c'est comme quelqu'un qui prend un cours, hein, même en mathématiques, parce que des fois les mathématiques c'est très simple à comprendre, à faire des exemples dans ce sujet-là. Si le professeur a enseigné une méthode à suivre pour résoudre un problème et qu'il exige aux élèves de suivre cette méthode pour arriver à la réponse, eh bien, la personne qui a suivi la bonne méthode, mais qui n'a pas eu la bonne réponse, elle aura quand même la récompense, ou bien une certaine note pour son effort, parce qu'elle a suivi la méthode et elle a montré toute sa démarche. Hein? Et le prof est capable de voir à quel endroit il s'est trompé dans son calcul ou dans son raisonnement. Et donc, ainsi, il va avoir des points pour qu'est-ce qu'il a eu de bon. Toutefois, celui qui a utilisé une méthode complètement différente de la méthode qui a été enseignée par le prof et qui est une méthode qui est différente, alors que le prof avait dit vous devez suivre cette méthode là, celui-là, même s'il arrive à la bonne réponse, il aura zéro. Pourquoi il aura zéro? Parce qu'il n'a pas suivi la bonne méthode. On lui a dit suis cette méthode, sinon tu ne vas pas avoir des points. Il n'a pas suivi cette méthode, il a eu la bonne réponse, il a zéro quand même. Et bien c'est exactement la même chose par rapport à ces gens-là. Les gens de Bid'ah ou les autres, Hezbiyin ou les autres, gens qui suivent leur passion, quand ils se trompent, ils ne sont pas excusés. De la même façon que les ulama d'Ahl-Sunnah qui font des erreurs. Les ulama d'Ahl-Sunnah ou le Jama'a, lorsqu'ils font des erreurs, eux sont excusés parce qu'ils ont suivi la bonne méthode, mais ils ont fait une erreur dans leur raisonnement ou dans leur compréhension. Hein? Toutefois, leur méthode était bonne. C'est pour ça qu'ils ont une récompense au lieu de deux. Et qu'ils ont une récompense quand même. Ils ne sont pas blâmés de la même façon pour leur erreur. On ne va pas les réprimander de la même façon. On va clarifier leur erreur et on va le montrer, leur erreur. Mais on ne va pas les réprimander comme si c'était des gens qui ont suivi une autre méthode contraire à la méthode d'Allah et de son messager. Hein? Sallallahu alayhi wa sallam, et la voix des sahaba. Donc ça c'est la façon comment on peut comprendre. Et le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Qiwam al-Sunnah Abu al-Qasim al-Asbahani dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, qui parle de ce sujet là. Il dit Al-Muta'awil iza akhta wa kana min ahli al-aqd al-Iman nuzira fi ta'wilihi. فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنة يقطع بها العذر أو اجتماع فإنه يكفر ولا يعذر لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا صنيعه لا تقوى قوة يعذر بها لأن ما شهد له أصل من هذه الأصول فإنه غاية الوضوح والبيان فلما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق ولا يغمض عنده بعد موضع الحجة لم يعذر في الذهاب عن الحق بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد وإصرار ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم فكل من هداه الله عز وجل ودخل عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان. Donc ici là il y a les paroles de l'imam donc Abu al-Qasim al-Asfahani. À ce sujet, dans son livre Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, il dit que la personne qui est muta'awwil, hein, c'est-à-dire il s'est trompé dans sa compréhension, il a fait une fausse interprétation, ou bien il a fait une erreur, et qu'il fait partie des gens de la foi et de l'islam, on regarde dans son ta'wil ou dans son interprétation ou dans sa compréhension pour voir qu'est-ce qui l'a amené à cette contradiction du Coran ou de la sunna, pour voir est-ce qu'il a une excuse dans qu'est-ce qu'il a contredit du Coran et de la sunna et de l'ijma, s'il a contredit l'ijma. Et si on voit que il ne s'est pas basé sur rien de sérieux dans sa contradiction, on va dans ce cas-là dire que c'est un kufr qu'il a fait et qui n'est pas excusé. Parce que la shubha à laquelle il s'est accroché pour qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il a dit n'était pas assez forte pour qu'il en soit excusé. Il n'a pas aucun fondement parmi les fondements de la religion qui témoigne de cette shubha-là ou bien de cette compréhension-là. Donc, il a contredit dans quelque chose qui est clair et qui est clarifié, qui est à l'extrême de la clarté. Donc, ça veut dire il a contredit dans des choses qui sont claires de la religion. Donc, c'est pas possible pour lui d'avoir jugé dans quelque chose de contraire à la vérité dans une question pareille. Pourquoi? Parce que la question, elle est claire. Et il n'y a rien qui l'empêche de trouver la vérité et d'aller à la vérité dans cette question-là, puisqu'elle est connue. Mais on remarque que pourquoi il a jugé d'une manière contraire à la vérité, c'est uniquement par opposition, par orgueil ou arrogance plutôt, qu'il a insisté et persisté à vouloir opposer la vérité de façon obstinée et têtue, quelqu'un qui est têtu dans l'égarement, il ne veut pas revenir, il est borné dans ce sens-là. Donc c'est comme s'il a fait exprès pour opposer un fondement parmi les fondements de l'islam. Tandis que si c'était quelqu'un qui s'est trompé parce qu'il a ignoré quelque chose et il ne l'a pas fait par opposition à la vérité, dans ce cas-là, lui, il n'est pas kafir. Parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas choisi, il n'a pas fait ça volontairement. Donc, il n'a pas été satisfait de s'opposer ou de contredire la vérité. Il n'est pas satisfait de cette opposition-là non plus. Il a fait son effort pour atteindre la vérité. Il n'a pas choisi la mécréance. Donc celui-là, bien entendu, il est excusé. Après, il dit, et sachez que quelqu'un ne va pas être pris pour compte, excepté après que les choses lui ont été clarifiées. Il ne va pas être non plus puni, excepté après qu'il ait eu un avertissement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran, Allah ne va pas égarer un peuple après les avoir guidés. Et c'est-à-dire que toute personne que Allah a guidée, qui est entrée dans l'islam, et qui est rentrée dans le pacte de l'islam, il ne va pas en sortir vers le kufr, excepté après que les choses lui aient été clarifiées. Donc ça, c'est la fin de cette citation-là. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, inshallah, on continuera la suite de l'explication des points qui sont dans ce livre, qui sont importants pour nous à clarifier. Espérons que ce sera bénéfique pour nous tous, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.